Bienvenue sur l'Instant Groove, c'est une heure de découverte de la musique électronique, de la house music, du dub à la techno, en passant par les synthétiseurs qui vous feront frissonner de la tête aux pieds. Aujourd'hui, c'est Nathan sur Radio Fadjet avec ma co-animatrice Lucie. Bonjour Lucie, comment vas-tu aujourd'hui? Très bien, merci. Et toi? Super, je suis en forme, un peu trop de raclette mais ça va. Aujourd'hui, j'accueille un grand DJ ancien qui s'appelle Johnny Buntar. Bonjour Johnny, comment vas-tu aujourd'hui? Eh ben bonjour à vous deux, ça va bien. Un peu stressé malgré... Oh, faut pas. Non mais voilà, en tout cas merci de m'accueillir, c'est trop cool. Avec grand plaisir, qu'est-ce que tu vas nous proposer aujourd'hui? Eh bien, comme je disais, compliqué, pas mal de styles musicaux différents, donc ça va être un peu décousu, mais j'ai essayé de représenter en une heure ce que je savais faire, enfin ce que j'aimais faire en tout cas. Eh bien ça va être super, on commence tout de suite sur l'Instant Groove avec Johnny Buntar. Merci Johnny de ta présence, c'est parti. Vous êtes toujours sur l'Instant Groove avec Johnny Buntar. Johnny, est-ce qu'on peut entendre un peu des sonorités orientales actuellement là? Alors, juste avant, oui. Effectivement, c'est du raï. Ah, excellent. Early Rye, c'est une compile de Band Bad Records que j'aime beaucoup. Et donc le Rye, c'est, j'aime bien en fait les musiques, c'est un peu comme ça que j'ai commencé, mais j'aime bien les musiques du monde, on va dire. Donc Afrique, Afrique du Nord, Afrique centrale, et puis pas mal en Amérique du Sud, cumbia et compagnie. Impeccable, c'est exactement ce que j'aime aussi. Lucie, qu'est-ce que t'en as pensé de ce petit morceau-là ? Moi j'aime beaucoup, c'est des pays, je trouve ça très sympa, les petites notes un peu soleil comme ça. Et j'en profite d'ailleurs pour te demander comment et pourquoi t'as commencé à jouer de la musique et depuis quand tu joues de la musique ? C'est une très bonne question. En fait ce qui se passe c'est que j'ai toujours été un peu le DJ YouTube. Vous connaissez un peu tous un DJ YouTube ? Oui, oui. Donc du coup en soirée j'ai toujours aimé la musique, donc j'en faisais un peu comme ça. Et un pote en fait à un moment donné m'a conseillé de postuler dans une radio qui faisait de la pub régulièrement, donc Radio Graffiti. Et de là, en 2013, j'ai commencé une émission de radio à base de musique. Et vu que c'était chaque semaine et qu'il y avait une quinzaine de musiques par semaine, j'amassais beaucoup, beaucoup, beaucoup de musique et je trouvais ça un peu dommage de pas la faire vivre plus que sur une émission. Donc en 2017, j'ai lancé Johnny Buntar, mais sur scène. Donc c'était une autre version de mon double. Incroyable. Et est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ton émission, justement, son nom, d'où elle vient, bah, ça on sait maintenant, mais alors ça, tu l'as fait, quoi. Ouais, ça s'appelle Louis Gourmande. Louis le sens, évidemment, pas le prénom. Et donc voilà, en fait c'est une émission dans laquelle j'aime bien partager un peu mes découvertes, souvent dans l'actualité, mais pas que, parce que j'aime bien revenir aussi à des trucs un peu plus anciens. Et donc ça c'est le, voilà, on va dire c'est un gros mix d'une heure, enfin c'est pas mixé, mais c'est un pot-pourri d'une heure très éclectique, qui peut aller rapidement, lentement, rock, électro, hip-hop, musique du monde, très variée. Une petite sélection en fait de ce que t'aimes. Quoi. Exactement. Incroyable. On va continuer à t'écouter pendant un petit moment, puis on revient vers toi pour. Allez, place au hip-hop. Ouais, merci. Et on passe au hip-hop. Hey We'll be right back. king. Thank you. chers auditeurs, vous êtes toujours sur l'Instant Groove, mais peut-être sur une petite plage actuellement avec un petit cocktail, n'est-ce pas Lucie? Ah bah là on voyage, c'est génial. Et merci Johnny pour ce petit voyage qui commence là sur Radio Fadjet. Lucie, tu as peut-être une question pour... Ouais, je voulais savoir, toi quand tu joues de la musique, tu cherches quoi en fait? Waouh, c'est très très large. Bah, en fait, de base, en fait, moi, l'amour de la musique, il passe par la danse. Donc, du coup, ce que je cherche avant tout, c'est régaler les gens et les faire danser. Donc, on va dire ça, c'est le rythme. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, moi, j'aime bien passer de la musique j'aime bien appeler la musique chaloupée. Chaloupée, ça marche pour tout en vrai. Donc, aussi bien pour les vieux classiques que pour les sons un peu plus actuels. L'idée, c'est que ça donne envie de casser le bassin, quoi. Ouais, voilà, c'est un peu mon truc. Joli pas de danse là. Merci. Et est-ce que là tu nous as fait passer de l'oriental, du hip-hop, est-ce que tu as une influence majeure dans tes musiques qu'on va ressentir? Majeure, non, c'est aussi je pense la déformation de la radio, c'est que moi j'aime bien passer tout style de son et j'ai toujours aimé tout style de musique. Donc en fait le mix à la base, moi j'avais commencé, c'était de la cumbia, de l'afrobeat, des choses comme ça. Après j'ai rajouté ça mais avec une version un peu plus électronisée. Et puis là-dessus je suis parti sur des mix un peu plus hip-hop, mais c'est plus rare. Mais non, en réalité c'est ça. En fait l'avantage c'est que je peux vraiment répondre à toutes sortes de dispositions de la salle, comment les gens réagissent, et je suis pas obligé de rester bloqué dans un style précis. Je peux vraiment faire évoluer mon set à l'infini, quoi. Ouais, ouais. Comme tu nous le disais en off, c'est infini et c'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon, carrément. Ton autre scène est Johnny Buntar. Yeah. Ouais. Pourquoi? Waouh. Alors ça, c'est très très vieux. Johnny, c'était un petit clin d'œil au bon Johnny B. Good. Voilà, donc, Johnny B. Good. Exactement. Et vu que j'ai toujours un peu de sourire, on avait tendance. Enfin voilà, c'était un prénom que j'aimais bien, j'affectionnais bien. Et puis Buntar, c'était en fait rapport à la fumette. Pour moi, c'était le nom qu'on donnait un peu au bédo. Et accessoirement, ça marche aussi sur plein de choses, quoi. Voilà, des belles fesses, ce serait un beau Buntar, par exemple. D'accord, avec je fais associer à plein de choses. Et c'était en festival, pour pas le nommer, troisième année du JDM, donc je suis un peu âgé. Hein. Et donc, du coup, c'était le. Voilà, c'est arrivé d'un personnage. Il fallait changer de nom à l'époque sur Facebook. C'était pas bon de garder son nom-prénom, et on cherchait tous à changer de nom, etc. Même si ton adresse en haut, elle restait bien. Bien visible. Ah, bien visible, ouais, voilà. Et tu es le seul à l'avoir gardé, et en plus c'est ton nom de scène maintenant, c'est beau. Ouais, carrément. Qu'est-ce que tu vas nous proposer, Johnny, là maintenant? On a commencé sur du hip-hop, des notes un peu vaporeuses, il y a eu un petit peu de rail parce qu'il fallait un vieux son classique. Et puis là, effectivement, on est parti sur des sons un peu plus ensoleillés, cocktail, c'est exactement la belle image pour ce morceau-là. Et là, on va partir sur des sons un peu plus, on va dire, dark disco, c'est de la new wave, c'est un mélange de plein de choses, c'est un remix de Todd Terrier que j'aime beaucoup. Incroyable. Un DJ norvégien. Et ben j'en salive d'avance. Qui reprend un classique, j'en dis pas plus. Oh, ok, c'est parti. Ayez les oreilles bien ouvertes.

Vas-y. Bonjour, comment allez-vous? Très bien. Pas de soucis, on était sur de la disco à peu près là, dark disco, je sais pas. Ouais, non, dark disco c'est un peu plus sombre du coup, comme okay. On l'a dit. Là, on est clairement sur du sun disco là. Ah oui, oui. Ouais, il y a le soleil là. Ah oui, et quel plaisir. Tout à l'heure, tu nous as parlé, tu as quand même été dans la 3e édition du JDM. Du coup, j'ai une petite question. Ouais. Tu as vu le monde de la musique électronique grandir, évoluer. Qu'est-ce que toi, tu peux nous dire sur cette évolution? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors, c'est une vaste question, oui. L'évolution, en fait, moi, à la base, j'écoutais pas tant d'électro. J'écoutais plus de la... j'écoutais Daft Punk, de la house music, des choses comme ça. Et je me suis intéressé à l'électro pur et dur depuis, 5-6 ans, on va dire. Et l'évolution est plutôt cool. En fait, en vrai, c'est comme toutes les autres musiques, finalement. Les mélanges sont de plus en plus intenses. Et ça brouille tellement les pistes que... Ça me fait vraiment kiffer, vraiment. Que, voilà, qu'on puisse difficilement associer une musique à un style musical, c'est vraiment une victoire pour moi, pour l'artiste, quoi. Il a gagné son pari. Bah, après, voilà, ça, c'est mon côté mélange, ouais. J'aime bien mélanger les musiques, donc quand quelqu'un fait ça pour de vrai, ouais. L'évolution, elle serait là, ouais. Par exemple, la cumbia, l'électro-cumbia, des choses comme ça, c'est des choses qui étaient plus confidentielles avant, et grâce à Internet, tout le monde a accès à ça maintenant. Sinon, l'électro pur et dur. J'ai un peu plus de mal avec le 160 BPM et le 170 BPM. Je pense que c'est affaire de génération. Mais sinon, non, je pense que c'est l'évolution, elle est infinie et est vraiment plaisante. Ça me fait plaisir de découvrir plein de nouvelles choses, en tout cas. Et tu nous l'exprimes très bien aujourd'hui avec ton set qui est vraiment très varié. Et je rebondis sur ce que tu viens de dire là par rapport au BPM. Est-ce que tu penses que la nouvelle génération accélère les BPM à chaque fois ou Non, effectivement, moi plus jeune, j'allais dans des tough hardcore. Donc là, clairement, le BPM, il était à 160-170. Mais là, maintenant, on le met à peu près à toutes les sauces, quoi. C'est devenu un peu un gimmick, il faut que ce soit rapide. Les transitions, elles doivent être de plus en plus rapides. C'est vraiment le... Ça swipe très très vite, quoi. Après, je pense que c'est lié un peu aux utilisations, au réseau, ce genre de choses, quoi. Il faut que les choses aillent très vite pour capter l'attention et pas perdre le danseur, quoi. Mais je pense qu'il y a plein de façons de faire, en vrai, hein. Mais je suis pas contre ça, hein, j'en joue aussi. Oui. Mais c'est pas ce que je préfère jouer. J'ai adoré ton point de vue là, c'est trop bien, merci. Je partage exactement ce que tu viens de dire. Lucie, est-ce que tu as une question pour nos chers Johnny? Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter sur un de tes DJ sets, quelque chose que tu voudrais partager avec nous? Oui, on peut parler du premier. Je crois que c'était à peu près le plus drôle, quoi. Donc là, c'était à Chaligny, au Solidaire Stival. Enfin, c'était un festival en soutien aux migrants de Neuve-Maisons. Et c'est un festival que je faisais déjà plus jeune. Et un jour, on m'a proposé d'y jouer. Et c'était ma première date. Donc en fait j'avais pas de contrôleur, j'avais aucun matériel et donc j'ai mixé comme ça sur 2, 3, 4 premières dates qui ont suivi, d'un côté avec Deezer hors connexion, c'est important de préciser, et de l'autre iTunes. Donc je faisais les fondus si tu veux avec des logiciels en mode touriste total et ça a duré un petit peu. Mais moi où je me considère DJ, moi ce que je préfère finalement c'est plus la qualité de la Selecta que la technique. J'en apprends tous les jours, la technique ça commence un peu à grandir, mais moi où je me considère en tant que DJ c'est plutôt passeur de son, quoi. Je comprends tout à fait. Ouais, voilà. Donc finalement ça marchait bien avec Deezer et iTunes. et des magnifiques fondus, j'imagine. Ça c'est limite, ouais non c'était pas fou, hein. mais ouais. Je viens de loin. Tu nous as dit tout à l'heure que tu n'avais pas vraiment de matériel. Aujourd'hui tu mixes sur quoi? Tu fais ton son avec quoi? En fait une fois que donc la terreur double logiciel s'est envolée, je suis passé sur un contrôleur en fait, un contrôleur assez général, un DDJ SX2 pour ceux qui connaissent, c'est 4 pistes, mais il y a énormément de fonctionnalités. Pour commencer c'est pas vraiment ce que j'aurais dû prendre parce qu'il y a trop de boutons, vraiment, pour commencer c'est presque intimidant, donc j'en utilise pas la moitié, et puis là progressivement, notamment grâce à Ever des Last News From Disco que vous avez déjà reçu ici, j'ai tendance un peu à partir sur des trucs, des platines type CDJ, les celles qu'on voit dans toutes les boiler rooms, là, vous voyez à peu près l'idée. Oui. Donc en fait, c'est de partir sur quelque chose qui est carrément plus intuitif, dans le sens où il y a pas l'écran qui te fait bloquer comme sur tous les contrôleurs ou même les contrôleurs comme on dit autonomes. T'as quand même un écran, on a quand même tendance à avoir des lignes se superposer et finalement on est plus sur du visuel que sur de l'oreille. Et ça c'est un gros problème. Et donc avec les CDJ, c'est ce que je retrouve, bisous Ever, hein, merci à toi, que du coup bah, effectivement on est plus dans l'écoute du son, essayer de caler de manière beaucoup plus naturelle. Et ça change tout en vrai. Merci Ever. Et une petite dernière avant de reprendre, Johnny, avec qui tu rêverais de jouer ? Un artiste qui te fait rêver, que tu voudrais collab, un petit B2B là, vas-y balance. Ouais, c'est un peu. Moi, en fait, vu que je vais dans tous les sens, c'est compliqué. Alors, celui qui est le plus éclectique pour le coup, je crois qu'Ever en avait parlé dans son émission, c'est Laurent Garnier, qui lui peut vraiment aller à 360 degrés, il a aucun problème avec ça. Donc là, je me retrouverai plus avec lui là-dessus. Mais j'ai un petit péché mignon quand même pour Todd Terrier, qui est un DJ qui m'a fait aimer, qui m'a un petit peu ouvert vers une électro que j'aime encore beaucoup aujourd'hui, une électro plus disco, voilà, justement. Ah, génial. Et le lieu où tu rêverais de le faire ça avec lui? Bah alors ça c'est technique ça. Le lieu, finalement, un lieu, peu importe, ça pourrait être une belle kermesse que ça m'irait bien finalement. Oh oui, c'est trop bien. C'est beau. Ah j'adore. Eh ben on finit là-dessus. Non, la mission continue, mais on continue avec Johnny Buntar. Il nous reste encore une petite vingtaine de minutes. Qu'est-ce que tu vas nous proposer? Bah justement, on va durcir un petit peu. Là, on était sur un son imparable hein, juste avant, donc c'était une bonne disco de Crash Bandicoot. Crash Bandicoot. Vous voyez le jeu de mots, on y est. C'était George Philly. Ça c'est ce qu'on écoutait avant, et on va passer sur un truc plus actuel. LB aka La Batte, qui est un DJ lyonnais, si je dis pas de bêtises, qui casse des gueules, qui est passé à l'Austra il y a pas si longtemps, que j'ai pas pu voir, mais vous allez voir, c'est un peu plus dark. Et ben, cassons de la gueule alors. Allons-y. High kick. got me shaking, finger licking, I can't taste it. Damn, I'm making stomach turning and kicking, but I'm clucking. Anticipation got me aching, sweaty palms and palpitations. I'm twitching in the kitchen, man. Vous êtes toujours sur l'Instant Groove avec Johnny et Lucie. Johnny, je suis un grand fan de cuisine et de boissons. Avec quoi s'accompagnerait le mieux ton set d'aujourd'hui? Ce serait un... C'est compliqué, un genre de buffet. Ce serait ça mon plat, un gros buffet avec vraiment du sucré, du salé... du croquant, du dur, du mou. Alors, on est à moitié sur des préliminaires là, je sais pas trop. Là, j'ai un petit doute. Mais non. En fait, j'ai du mal à répondre à cette question. Quand tu me l'as envoyé, je me suis posé la question. Moi, j'aime les frites croquantes et fondantes à l'intérieur. Je crois que c'est un peu un bon mélange de ça, tu vois. Ah, faut que ce soit bon, croquant et fondant, un peu puré à l'intérieur. Tu ouais. parles à un ch'ti, donc niveau frites, je me connais. Eh ben voilà, double cuisson, les amis. Graisse de bœuf, attention. Est-ce que tu peux nous dire quelle est ta prochaine soirée et où est-ce qu'elle est? Oui, à la prochaine, du coup, c'est avec eh bien, notre bon Ever et Étienne, avec les Last News from Disco, qui m'ont invité pour un set à la douche froide à Metz. Et donc, c'est la première fois que je vais jouer un peu en... C'est pas vraiment un club, mais c'est plutôt un bar de nuit. Donc, ça ouvre de minuit à 5 ou 6 heures, je crois. Oh, génial. Okay. Donc, en fait, ça, ouais, ça, j'appréhende un peu parce qu'on n'a pas parlé de ma boisson préférée, mais il faudra que je fasse bien attention à ne pas abuser. Mais je pense que c'est le lot de tout DJ. Hein. Tu vois, Ever, il disait pareil pour le stress, il buvait des coups avant. bon, ouais, voilà, on le fait tous un peu, mais le plus compliqué, c'est de garder le cap et pas d'aller trop loin dans le curseur. Mais minuit 5 heures, ça, voilà, je pense là les gens se lâchent complètement et on va pouvoir faire un truc incroyable. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Exactement. Consommer avec modération. Voilà, c'est ça. Petit ginto là, calmez-vous. Pardon. Quel est ton petit plaisir coupable en musique, Johnny? Waouh, alors pareil, j'ai beaucoup réfléchi. J'ai beaucoup réfléchi. Non, s'il y en a un, on peut dire vraiment, on peut parler de plaisir coupable, ce serait Alice Saglis de Francky Vincent. Mais alors, précisément, c'est un moment très particulier dans la musique, c'est la deuxième partie. Tout le monde connaît la première partie, mais la deuxième partie, les gens vont peut-être pas aller jusqu'au bout. Mais il y a une deuxième partie qui casse un peu le tempo et qui change un peu en question-réponse avec ses copines. Et ben, on invite nos auditeurs. Je vous invite à aller jusqu'au bout. Ouais. Ah oui. Tu nous l'as pas mise aujourd'hui. Et ben non, plaisir coupable. Hein. C'est censé être un peu caché, ça. Une petite dernière, Lucie. Oui. Comment tu décrirais tes fans si tu en as ou des personnes qui, qui te suivent? Mais elle est trop égocentrée cette question. Ouais, mais... c'est pas... Bah en fait, mes premiers fans c'est mes potes forcément. Trop cool. Après c'est compliqué comme je vous le disais vu que je joue dans plein de styles différents. Bah en fait quand j'en sors un peu ceux qui ont l'habitude de me connaître pour la musique un peu tropicale, bah forcément. C'est difficile de les attraper et c'est tout l'intérêt effectivement d'un set vivant, c'est de réussir à les attraper quand même quoi. Mais non mais c'est mon crew quoi, c'est mes potes. Ok. Ça, c'est un premier fan. C'est le moment amour, un peu de love. Est-ce que t'as un petit mot pour eux? Ah, je vous aime très très fort. Ah, oh, c'est beau. Oh. Et on a lancé un truc la dernière fois avec Maritonique. Là, est-ce que t'auras un dicton, un truc de développement personnel à dire aux gens? Genre un truc petit mantra, quelque chose qui te touche. Ne fermez pas les portes, ouvrez-les. Allez, on ouvre les portes ce soir sur Radio Fadjet, sur l'Instant Groove. Je te remercie, Johnny, pour cette magnifique heure passée avec toi. Je me suis vraiment régalé, j'espère que Lucie aussi. Moi, c'était parfait, merci beaucoup. Bah, merci à vous, c'est un plaisir réciproque. Et on termine l'émission avec toi, Johnny. Qu'est-ce que tu vas nous faire? Eh ben, on va se quitter sur un morceau que tout le monde connaît, mais remixé par un duo que j'aime beaucoup qui s'appelle Zombie Zombie. Et j'en dis pas plus, vous allez reconnaître, vous l'entendez déjà derrière. Big up à New Order, hein, voilà. Ouais. Les sources, la base. Merci à Johnny. Merci à vous. Bonne soirée. Allez, bonne soirée. Bonne soirée. the pipe. Oh, you tight, testing on my mind. Make me fall for life. The devil fucked me good, but I think I found the light. Overseas, baby, more, more, more.